explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ? Mais croyez-vous que je peux regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. C'est l'une des îles les plus isolées du monde, un petit morceau de terre volcanique perdu au milieu du Pacifique, dont l'histoire a fasciné et intrigué des générations d'explorateurs et d'archéologues. Bienvenue sur l'île de Pâques. Les Moai, ces colosses de pierre érigés par les habitants de l'île, les Rapa Nui, ont contribué à rendre le lieu mythique. Les gigantesques sculptures ont également suscité bien des questions. Comment les Rapa Nui ont réussi à fonder une civilisation aussi magistrale sur ce territoire de 25 km de long, loin de tout. D'où venaient ces hommes et ces femmes? Comment s'y sont-ils pris pour ériger ces statues monumentales? Et pourquoi cette civilisation prospère s'est soudainement effondrée? Beaucoup ont raconté qu'elle se serait autodétruite en épuisant toutes les ressources sur l'île, mais les derniers travaux archéologiques semblent raconter une toute autre histoire. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous partons en bivouac sur l'île de Pâques. Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Nicolas Cove. Bonjour. Archéologue, conservateur au musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles, vous avez mené de très nombreuses missions archéologiques sur l'île de Pâques. Vous faites partie du comité scientifique de l'une des trois expositions consacrées actuellement à cette île mythique qui se tiennent donc en parallèle au musée Champollion de Figeac, au musée Fenaille de Rodez et au muséum de Toulouse. C'est sur celle du muséum de Toulouse que vous avez travaillé. Vous allez nous raconter ce que vos recherches vous ont permis de comprendre de l'histoire de la civilisation des Rapa Nui et de son effondrement. Et puis à 17h, l'architecte paysagiste Nicolas Gilsoul nous emmènera faire un tour dans les plus grandes villes du monde. Voilà pour les découvertes du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay, préparée par Mathieu Aoued, Sophie Vaux, avec l'aide de Cyrielle Laborde. Nous sommes dans l'île de Pâques depuis 5 mois. Un aviso français, le Rigaud de Genouilly nous y a déposé, un voilier belge, le Mercator, vient nous reprendre. À notre tour, après tant d'autres, nous venions interroger les statues de l'île de Pâques. L'île de Pâques serait le sommet d'un continent englouti, frère jumeau de l'Atlantide, et les grandes statues, les images divines d'un monde disparu dans la nuit de l'histoire. L'anthropologue Alfred Métro, Nicolas Cove, vous faites vous aussi partie de la longue liste des scientifiques qui ont été happés par cette île, l'île de Pâques. Quand vous y êtes-vous rendu, vous, pour la première fois, et quels souvenirs vous gardez de cette île? Ah, la première fois, c'était en 99. Pour une raison très simple, c'est que en 1934, une fameuse expédition franco-belge avait ramené une statue de l'île de Pâques à Bruxelles. Et en 99, nous avons décidé, là au musée où est conservée cette statue, d'essayer d'en connaître un peu plus. Donc je suis seulement reparti avec l'idée de faire une petite fouille là-bas à l'île de Pâques pour comprendre le contexte d'une statue. Mais on débarque là et puis on retourne, il n'y a rien à faire. Donc maintenant ça fait 20 ans que je creuse le sol de l'île de Pâques. C'est ça, ça fait 20 ans, vous y allez un mois à deux mois an. Vous êtes fasciné, passionné, vous y avez passé l'essentiel de votre carrière d'archéologue à comprendre ce qui s'était passé sur cette île. Mais j'ai bourlingué un petit peu partout dans le monde pour des fouilles archéologiques, mais là c'est de très loin le plus long projet que j'ai jamais monté dans ma carrière. Oui, c'est fascinant, mais surtout il y avait là un problème étonnant, c'est que je me suis rendu compte très vite qu'il y avait eu peu de fouilles archéologiques à l'île de Pâques, contrairement à sa réputation. Ouais. On pense que tout a été épuisé, que ça. Mais très peu de fouilles archéologiques, et les premières fouilles que j'ai pu mener m'ont tout de suite amené à comprendre qu'on trouvait autre chose que ce qui était raconté sur l'île de Pâques. Ça suscite quand même l'envie de continuer. Oui, et l'envie d'en savoir plus, évidemment, dans cette émission. Alors on va prendre les questions archéologiques dans l'ordre. La première, quand et par qui cette île a été colonisée? Alors, la population de l'île de Pâques est complètement polynésienne. Ce sont des Polynésiens, et les Polynésiens, on connaît dans les grandes lignes, hein, leur histoire. Ils sont originaires d'Asie du Sud-Est, déjà au troisième millénaire avant notre ère. Ces gens commencent à conquérir l'océan. C'est la plus grande épopée maritime de tous les temps. Ouais. Ces gens se dotent de moyens de navigation tout à fait étonnants pour l'époque et vont se spécialiser dans la recherche de nouvelles îles à coloniser sur des voyages volontaires qui ne sont pas du tout dus au hasard. Et les Pasquans, les Rapanui, comme on les appelle, ils s'appellent eux-mêmes, appartiennent bien à cette grande famille polynésienne. Ils sont pas proches, comme on dit parfois, ils sont strictement polynésiens. Ouais. Et donc, vers 1100 de notre ère, c'est assez récent, ils découvrent l'île de Pâques parmi toutes les autres îles que ces Polynésiens avaient déjà découvertes auparavant. Sauf que l'île de Pâques, hein, elle est assez éloignée de l'archipel polynésien. Elle est vraiment au beau milieu du Pacifique, presque à égale distance entre les côtes de l'Amérique latine et la Polynésie. La Polynésie française. Qui n'est qu'un petit morceau de la Polynésie. Vous avez raison, en tant que Belge, de parce me remettre à ma place. Le monde polynésien, au sens culturel et ethnographique du terme, c'est quand même un énorme triangle qui va de Hawaï dans l'hémisphère nord jusqu'à l'île de Pâques tout à fait au sud-est et la Nouvelle-Zélande au sud-ouest. C'est un ensemble gigantesque dont la partie orientale, effectivement, la partie orientale est ce qu'on appelle aujourd'hui la Polynésie française, mais qui représente un gros tiers de la Polynésie. Oui, c'est bien ce monde-là, mais l'île de Pâques est isolée. C'est un problème qui est propre aux Européens qui la découvrent. Les Polynésiens qui ont des moyens de navigation étonnants, à époque traditionnelle, ne considéraient pas ça du tout comme une île isolée. Imaginez qu'avec les bateaux traditionnels polynésiens, lorsqu'on connaît le chemin, lorsqu'une fois qu'on a repéré cette île, un petit mois permet de rallier Tahiti à l'île de Pâques. Ça n'a rien d'extravagant. Et peut-être que cette île était moins isolée pour les Polynésiens que certaines terres perdues dans la jungle amazonienne, par exemple, où vous devez traverser des territoires épouvantables. Pour des grands marins, un mois de navigation, 3-4 semaines de navigation, c'est pas grand-chose. Alors, les analyses génétiques sont formelles. Hein. Ce sont bien des Polynésiens qui sont venus il y a 1000 ans, qui ont colonisé cette île. Alors, encore, il restait à savoir... Quelle île précisément de l'archipel polynésien, de quelle île il provenait? Et alors là, une étude a été faite pour savoir de quelle île de Polynésie provenaient ces Rapa Nui. Il faut se tourner vers les Moai, ces fameuses gigantesques statues de pierre. Elles ressemblent beaucoup à des statues plus petites, les tiki, que l'on trouve aux Marquises. Nous nous y rendons justement aux Marquises en compagnie de l'archéologue Annette Culhom. C'est impossible d'aller dans la jungle sans se couvrir de répulsifs, parce qu'il y a tellement de ces moustiques qu'on appelle nonos, et ils vous dévorent totalement. Il y a pas mal de similitudes que je trouve frappantes. Par exemple, regardez la position des mains. On peut même voir les doigts. Et elles sont posées sur le ventre. Quand un artiste veut représenter des mains, il a plusieurs choix pour les placer sur le corps. Or, pour les tiki comme pour les moai, les mains ont été posées exactement pareil sur le ventre. Et puis, il y a autre chose qui ressemble beaucoup aux moai de l'île de Pâques. C'est le menton qui est très saillant. Et on retrouve aussi des mentons très saillants sur les moai. Voilà un sérieux indice. Vous la connaissez bien, cette archéologue. D'ailleurs, vous avez effectué des voyages avec elle sur les îles Marquises. Ce sont vraisemblablement des Marquisiens, donc, qui sont partis de ces îles pour arriver sur l'île de Pâques. Ce n'est pas aussi simple. Le problème, c'est qu'on peut retrouver des bonnes comparaisons aussi avec les statues des îles australes, hein, dans le sud de la Polynésie française. ce qui est clair aussi aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'à travers toutes ces îles de Polynésie française, que ce soit des Marquises, vers les îles de la Société, les îles australes, les îles Gambier, il y a eu constamment des échanges. Et donc, une sorte de magma culturel, si vous voulez. Donc, on peut retrouver des indices très forts, comme l'expliquait Annette Cunen aux Marquises. On peut en trouver d'autres à Tahiti, on peut en trouver d'autres aux îles Gambier. Globalement, les Polynésiens de l'île de Pâques sortent de cet ensemble qui a connu de nombreux échanges. Ouais. Les Marquises forment un bon candidat, mais pas le seul. C'est pas le seul. Mais on reste dans ce milieu de la Polynésie orientale, très clairement. Ouais. Alors, reste une question quand même. Pourquoi? Alors vous dites, finalement, cette île de Pâques était peut-être pour eux moins isolée que certaines contrées de la forêt amazonienne. Mais tout de même, à l'époque, pas de carte. Comment font-ils dans cet immense océan Pacifique pour trouver cette toute petite île? Et puis, ils ont débarqué en nombre. Pourquoi sont-ils partis? À bord de quelles embarcations? Alors, donc, les Polynésiens, très clairement, ce n'est pas les Pascuas en particulier, les habitants de l'île de Pâques, mais les Polynésiens en général sont des gens qui se sont spécialisés dans la recherche de nouvelles îles. Et pour la navigation pour eux ne correspond pas du tout à notre souci de savoir où on est, mais de savoir comment on y va. Et ces gens naviguent sans instrument, avec une connaissance encyclopédique, mais vraiment tout à fait étonnante de l'océan. Ils étudient tout. Lorsqu'ils s'embarquent et qu'ils prennent un chemin, ils étudient la couleur de l'eau, la forme des courants marins, les bancs de poissons qui passent. Ils finissent par mémoriser les saisons des migrations de certains poissons. Ils observent les oiseaux, les nuages, etc. Donc c'est une connaissance encyclopédique de l'océan qui leur permet de mémoriser les trajets. Donc lorsqu'ils s'en vont un peu, entre guillemets, à l'aventure, chercher une nouvelle île, ils savent très bien quel trajet ils sont en train de construire. Ouais. Et dès qu'une île est trouvée, elle est intégrée à un réseau. Et donc ces gens ne naviguent pas du tout comme nous cherchons à le faire en disant « j'ai besoin d'aller de tel à tel point parce que je sais où se trouvent ces points ». Eux savent très bien « tiens, telle saison, je peux suivre un banc de thon pour arriver à telle île parce que c'est la migration des thons. Ou à tel autre moment, je pourrais me fier à tel courant, des choses pareilles. » Et donc c'est un système de navigation extrêmement sophistiqué qui demandait un décollage extrêmement long parce que ça demande vraiment une connaissance très profonde de l'océan. Avec, quand vous dites les nuages, souvent un halo de nuages se forme au-dessus des îles, là aussi. En altitude, donc on peut voir ça parfois à plus de 100 km d'une île, avant de voir l'île, parce que la Terre est ronde, on peut voir en altitude des couronnes de nuages, on peut voir aussi des changements de couleur de l'eau à l'approche de Terre, parce que ces îles, ce sont des systèmes volcaniques qui émergent, mais il y a toute la masse volcanique encore sous l'océan, des choses pareilles. Donc ces gens ont appris à connaître cet océan. Ouais. Et donc ces gens partaient... d'une certaine façon, à l'aventure, on va chercher une île qu'on ne connaît pas encore, mais on part avec armes et bagages, animaux domestiques, plants domestiques, pour, dès qu'on la trouve, pouvoir s'y implanter et réintroduire son agriculture et son élevage sur cette île. Sur le bateau, c'est un peu la version réduite de l'Arche de Noé. On a des animaux, on a des arbres. Oui. Tout ce qu'il faut pour réintroduire sa vie traditionnelle, son économie sur l'île qu'on va découvrir. Et alors, on peut imaginer qu'ils sont arrivés à combien, ces Polynésiens, sur l'île de Pâques? C'est impossible à dire. On peut juste faire des estimations du minimum biologique nécessaire pour construire une population. Ouais. Donc on n'a pas de chiffres précis, ce sont simplement des calculs de minima, et on pense que s'il y a une centaine de personnes, à condition qu'elles soient d'horizon familial très diversifié, pas d'un seul clan familial, s'il y a déjà un pôle génétique diversifié, 100, 200 personnes peuvent éventuellement suffire pour construire une population. Ouais. Mais nous n'avons en réalité pas l'idée de combien de bateaux sont arrivés sur l'île de Pâques, ou s'ils sont arrivés en une fois, ou s'il y a eu des éclaireurs qui sont retournés au point de départ pour aller chercher la suite. Tout ce genre de détails perdus, là, définitivement, hélas. Et parmi ce qu'ils nous ont laissé, ce sont ces gigantesques statues qui contribuent au mythe de l'île de Pâques. Qu'est-ce qu'on sait de ces statues? Déjà, de quoi sont-elles faites? Alors, à l'île de Pâques en particulier, là, ils sont tombés sur une matière première miraculeuse, du tuf, de la cendre volcanique, assez simple à travailler, il faut bien le reconnaître, et qui a une faible densité, donc c'est une pierre qu'on peut facilement déplacer. Mais l'idée de ces statues géantes, il se fait que tout à la fin de leur histoire, avant que les Européens ne les rencontrent, ils se sont lancés dans le volcan qui servait de carrière, et une sorte de surenchère dans la construction de statues. C'est un phénomène extrêmement récent. Ces statues-là n'ont jamais été destinées à être transportées à travers l'île. D'ailleurs, le volcan qui servait de carrière est devenu un monument lui-même. Mais ça, c'est une histoire qui date de la fin du XVIIe siècle, le début du XVIIIe siècle. Mais auparavant, ils ont fait des statues nettement plus modestes et qui sont tout à fait comparables à d'autres statues que l'on retrouve ailleurs en Polynésie orientale. Par exemple, aux îles australes, hein, des statues tout à fait comparables. La matière première leur a permis très vite de faire des choses un peu plus grandes, mais les statues qui ont été transportées à travers l'île ne sont pas celles que l'on montre partout, qui elles sont restées à le volcan carrière, qui sont extravagantes, mais qui sont très tardives. On aura l'occasion de discuter à la façon dont ils s'y sont pris pour transporter les statues de taille modeste, mais qui font quand même 4 mètres de haut, hein, qui sont quand même relativement volumineuses. Et puis, il y a cette grande question, pourquoi cette civilisation s'est effondrée? On raconte beaucoup qu'ils se sont autodétruits en gérant mal leur environnement et leurs ressources sur l'île. Nous allons voir que selon vos travaux, la réalité serait tout autre. Nous menons l'enquête avec l'archéologue Nicolas Cauve, le temps d'un bivouac sur l'île de Pâques. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida, c'était John Baez sur France Inter. Nous allons bâtir des moraïs de plus en plus grands afin d'attirer les faveurs des dieux. Je veux qu'ils soient prêts dans 6 lunes. Mes grands prêtres, c'est impossible. Le dernier moaï nous a déjà pris 6 lunes et il était moitié moins grand. Interrompez les autres moaïs pour vous consacrer à celui-là. Oui, mais même comme ça... Dois-je chercher un maître sculpteur pour te remplacer? Nariki veut qu'il soit terminé pour la course de l'homme-oiseau au printemps. Matouetel, je me fais du souci. Les familles ont trop de bouches à nourrir. Toute la terre se transforme en poussière. Ce sont les moaïs, Matouetel. Ils ont tout dévoré. En arrière! On est prêt à rouler! Les cordes sont prêtes? Dégagez-la! Extrait du film Rapa Nui, nous sommes toujours en compagnie de l'archéologue Nicolas Cove. Alors, selon vos recherches, Nicolas Cove, les moaïs, hein, ces gigantesques statues de pierre, en tout cas celles qui ont été déplacées, hein, vous nous dites, elles n'étaient pas si grandes que ça, mais enfin quand même 4 mètres, plusieurs tonnes, hein, ces statues. Il y a eu quand même des interrogations sur la façon dont on s'y était pris, parce qu'elles sont en stuff, hein, cette pierre volcanique. C'est très friable. Oui, très friable, donc il ne fallait pas non plus les abîmer. Vous avez d'ailleurs... une théorie à ce sujet, c'est que ces blocs de pierre ont été transportés sans être complètement terminés. Mais c'est un peu plus qu'une théorie, je dois vous avouer. l'idée que l'on transportait, que ces gens transportaient des statues déjà entièrement façonnées, est partie d'une mauvaise interprétation d'une partie de la documentation, entre autres des statues, là, vraiment extrêmement gigantesques, qui font parfois plus de 17 mètres de haut, vous imaginez, la plupart ont 10-12 mètres de haut, qui sont entièrement façonnées sur les flancs du volcan, d'où est extrait le tuf. Alors, on est parti partie l'idée que c'était une sorte de magasin avec des statues prêtes à être transportées. Si ce n'est que celles-là, clairement, n'ont jamais été transportées et sont beaucoup trop grandes pour l'être. Et comme elles sont complètes, on est parti l'idée qu'ils transportaient des statues complètes. Et toutes les hypothèses de reconstitution de transport sont parties de cette idée-là, qui est un casse-tête, parce que le tuf est très fragile, ces statues ont un nez proéminent, les détails des mains finement ciselés, la ceinture du pain, etc. C'est extrêmement compliqué à transporter ça sans l'abîmer. Mais lorsque j'ai fouillé des plateformes à statues, ces monuments qui sont dispersés partout sur l'île, on retrouve systématiquement des couches de tuf très importantes devant ces monuments. Mmh. Ça veut dire qu'ils transportaient des blocs, peut-être déjà légèrement ébauchés pour alléger le poids, et que la statue était, comme partout ailleurs dans le monde, fabriquée une fois qu'on arrive avec la matière première à destination. Je vous garantis que Michelangelo n'a jamais été faire son David dans les carrières de Carrare. On lui a d'abord amené un bloc de marbre et imaginé transporter cette statue. Bon. Oui. Et donc, il y a une part de fantasme. Alors, c'est beaucoup plus, c'est pas seulement une théorie que j'ai, ce sont des faits archéologiques que j'ai pu accumuler. Il est clair que ces gens n'ont pas transporté de statue entièrement façonnée. Mmh. Et donc, tout ce qu'on peut dire là-dessus est peut-être très intelligent, mais est parti d'un point de départ tout à fait non assuré. Ouais, ouais. Alors, il y a beaucoup d'idées fausses. On va en déconstruire une autre, et pas des moindres. D'ailleurs, l'extrait du film Rapa Nui, que nous avons diffusé il y a un instant, relaie cette thèse qui a été largement reprise et diffusée, celle d'une autodestruction de cette civilisation qui vivait sur l'île de Pâques. Alors, selon vous, Nicolas Cauve, cette thèse ne tient pas debout, et vous me disiez, ça fait 20 ans que tous les archéologues qui se sont penchés sur le sujet savent que cette thèse ne tient pas debout, et pourtant elle continue à être développée, à être diffusée. Alors, je vais d'abord redonner ce scénario erroné, mais que l'on diffuse largement, les principaux arguments qui sont donnés en faveur de cette thèse de l'autodestruction, et puis ensuite avec vous, on va reprendre point par point le scénario, et vous allez nous expliquer pourquoi il ne tient pas deux secondes la route, ce scénario. La thèse qui est largement répandue, c'est que cette société se serait effondrée à la fin du XVIIe siècle à cause d'une croissance démographique trop importante qui aurait poussé donc les Rapa Nui à couper tous leurs arbres pour gagner en terre arable. Cette action aurait eu pour conséquence d'éroder les sols et donc de les rendre moins fertiles. Il y aurait eu des famines. Alors, à ce moment-là, les différents clans se seraient menés des guerres sans merci, se seraient entretués. C'est pour cela qu'aujourd'hui on trouve certaines de ces statues couchées au sol, parce que en se faisant la guerre, ils se seraient aussi attaqués à leur statue totem. Alors expliquez-nous pourquoi, selon vous, ce scénario ne tient pas du tout la route. Prenons d'abord l'histoire des arbres. Est-ce qu'effectivement, quand ils sont arrivés, les premiers habitants de l'île, est-ce que l'île était effectivement couverte d'arbres ? Alors très clairement, il y avait des millions d'arbres sous cette île. C'est la seule partie de ce scénario qui soit absolument assuré et fondamental. Et c'est d'ailleurs à partir de ce fait une île boisée. Les Polynésiens découvrent vers 1100 de notre ère une île boisée. Et lorsque les Européens arrivent là au XVIIIe siècle, lorsqu'ils découvrent cette île, il n'y a plus d'arbres dessus. Et donc on se rend bien compte qu'il y a entre les deux quelque chose qui s'est passé. Et le fait qu'il y ait un déboisement est vérifié par l'étude des pollens qu'on retrouve dans les sols, qui montre bien qu'il y avait des millions d'arbres sous cette île avant que les Polynésiens y arrivent. Alors, ils ont déboisé pas parce qu'ils avaient besoin des rondins pour déplacer leur statue aussi, mais surtout parce qu'ils voulaient cultiver les terres. Alors, là, je vous dis tout de suite qu'il y a eu des idées de ce genre-là. Hein. Ils ont déboisé pour transporter leur statue. D'ailleurs, regardez, il y a des statues et des statues sur l'île de Pâques. Bon, il y a un millier de statues. Cette société a vécu à peu près 1000 ans avant que les Européens la découvrent. Enfin, 8 siècles, mais enfin, disons. Alors, ça forme une moyenne de une statue par an. Donc il faut transporter un bloc par an avec une quarantaine ou une cinquantaine de rondins où vous faites la plus grande distance sur l'île de Pâques. À ce tarif-là, dans quelques millénaires, on aura peut-être déboisé une petite partie de l'île de Pâques. Donc on va laisser tomber ce genre de choses. Cette idée-là n'est pas possible. Voilà. Par contre, on n'a pas transporté les 1000 statues en même temps, évidemment. Ils les ont déboisé parce qu'ils voulaient cultiver les terres. Alors, comme tous les agriculteurs du monde, il faut ouvrir des espaces pour installer les villages et pour cultiver. C'est pas propre au Pascouan de l'île de Pâques. Mais à l'île de Pâques s'ajoute à cela un phénomène qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Il y a eu à partir du XIVe siècle quelques crises El Niña assez fortes, de durée anormalement longue. El Niña provoque des montées de température, des diminutions de précipitations et donc une plus grande évaporation de l'eau de mer et donc un plus grand taux de sel dans l'air. Et lorsqu'une forêt est déjà fragilisée entre guillemets par des installations humaines, les arbres très serrés l'un contre l'autre peuvent résister. Lorsqu'ils sont plus ou moins clairsemés, ils finissent par mourir. Et donc, il y a en même temps une activité humaine tout à fait normale qui a eu lieu dans toutes les autres îles de Polynésie, mais à l'île de Pâques s'ajoutent des mini-crises climatiques qui se sont espacées depuis le XIVe siècle. Donc, ils se sont trouvés dans une circonstance très particulière. Donc le déboisement, oui, il est réel. Il a eu lieu. Il n'est pas dû qu'à l'homme, il n'est pas dû qu'à des catastrophes naturelles, c'est une combinaison de deux choses, de plusieurs choses ensemble. Est-ce qu'il a eu pour autant l'effet d'éroder les sols et de rendre la culture impossible et donc de créer des famines ? Alors non. Je vous dis tout de suite que non, d'autant plus que les habitants de l'île de Pâques ont mis au point une technique agricole tout à fait étonnante. Ils ont commencé à parsemer leurs champs de cailloux. Ça nous paraît tout à fait étonnant, mais c'est parce que nous, nous concevons l'agriculture par labourage, parce qu'on fait de la grande céréaliculture. Là, ils ont une agriculture qui est plutôt orientée vers la culture maraîchère, donc de repiquage. Et donc, ils ont complètement parsemé leurs champs de millions de cailloux de basalte qu'ils collectaient sur l'île même. Alors, ces cailloux ont plein d'avantages. D'abord, ils ont stoppé l'érosion des sols. Très clairement. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça fonctionne toujours. Ces cailloux captent la rosée du matin et la redistribuent en goutte à goutte, ce qui permet d'éviter tout problème d'irrigation, etc. Il n'y a pas de cours d'eau permanent à l'île de Pâques, même s'il pleut beaucoup. Mm-hmm. C'est les sols poreux qui absorbent tout de suite. Donc ces gens, en fait, en réalité, loin de désertifier leur île, ont simplement trouvé des techniques agricoles tout à fait adaptées. Ils se sont adaptés. Ils se sont adaptés à la situation. Voilà. Effectivement, il n'y avait plus d'arbres, mais ça ne les a pas empêchés de cultiver et de continuer à manger à leur faim. Pas de guerre fratricide non plus. Alors, je vous dis tout de suite qu'on a même étudié les squelettes, c'est parce quoi. C'est ma collègue Caroline Paulet de l'Institut des sciences naturelles de Belgique qui a étudié cela. On s'est étudié la qualité de nutrition à travers les squelettes. On ne trouve pas de traces de famine à l'île de Pâques. Hein. Il y a quelques cas pathologiques de personnes qui, malheureusement, n'ont pas eu à manger à leur faim, mais dans un taux tout à fait normal de toute société. On ferait la même chose ici à Paris. Qu'est-ce que vous voulez ? Les SDF n'auront pas la même qualité de nutrition que les gens qui ont un salaire et qui peuvent faire leurs courses dans les supermarchés. Donc, on a ce genre de phénomène, mais il n'y a aucune trace d'une famine. Donc, voilà. Ça fait déjà le premier point qui s'effondre. Et en réalité, le déboisement, même s'il est en partie imputable à des problèmes climatiques, a permis le développement de l'agriculture, justement. Et alors, pas de combat. On a souvent parlé d'armes qu'on aurait retrouvées. Vous vous dites, ces armes, ce ne sont pas des armes. Ce sont là encore des instruments pour cultiver la terre. Alors oui, mais c'est fin du 19e siècle, un chercheur américain voit ce genre d'objet en verre volcanique, en obsidienne, et demande aux habitants de ce que c'est, et on lui dit, c'est une pointe de lance. Bon, et depuis lors, tout le monde a dit, ce sont des pointes de lance. Et lorsqu'on collecte tous ces objets, il y en a des milliers sur l'île de Pâques, on se rend compte qu'il y a des formes extrêmement variées, et surtout qu'elles ont un poids parfois assez étonnant, pas toutes, peu sont pointus, des choses pareilles. On dit, si c'est pour des armes, elles n'ont pas l'air terriblement efficaces. Alors aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle la tracéologie, on étudie les traces d'usure sur ces objets pour comprendre leur fonction, pour se rendre compte que ces objets sont d'abord des objets pour travailler le bois ou travailler le sol. Et on est devant des outils agricoles. Ouais. Quelques-uns ont clairement servi d'armes aussi, mais on n'a pas cette multiplication d'armes. C'est ça. On n'est pas dans une sorte de guerre fratricide généralisée où tout le monde s'entretue. Et dernier élément qui était apporté, ce sont ces statues couchées, l'impression que on s'était livré à des guerres de clans et que pour marquer sa domination sur le clan adverse, on avait détruit leur statue. Là aussi, vous dites ça tient pas ? Ah, ça fonctionne pas parce que là, on a vraiment étudié tous les monuments. On les a pas tous fouillés, mais on les a tous étudiés, ceux qui sont en surface. Aucune de ces statues n'est brisée, toutes sont intactes, elles sont bien couchées parallèles les unes aux autres. Il y a des empierrements déposés par-dessus, et les quelques monuments que j'ai pu fouiller, on peut constater qu'on a pu se préparer une fosse pour la coucher. Parfois on a mis un caveau dessus, elle sert de couvercle à un caveau. Ouais. Tout ça est très organisé. Et alors pourquoi on a fait ça ? Et en fait, ils ont démonté leurs monuments plutôt que de les détruire. C'est-à-dire qu'à un moment de leur civilisation, de leur parcours, de leur histoire, il y a eu un changement de croyance, un changement de coutume. Je ne sais pas si c'est un changement de croyance, mais un changement de valeur en tout cas. En Polynésie, un peu partout en Polynésie, les dieux créateurs, qui sont en quantité importante, cèdent la gestion quotidienne du monde aux ancêtres, qui sont les chefs de clans divinisés. Mais il est clair que lorsqu'il y a un développement démographique sur une île comme l'île de Pâques, on ne peut plus laisser la société se gérer par petits clans familiaux. Il s'agit d'avoir une plus grande globalité. Le problème des ancêtres, c'est qu'ils travaillent pour leurs descendants. Oui. Et l'avantage des dieux créateurs, c'est qu'ils peuvent travailler pour la communauté. Donc il y a clairement eu à l'île de Pâques un passage où on a un peu rappelé les dieux créateurs, et ça s'est fait pas de manière brusque. On a aujourd'hui une chronologie très précise. C'est un minimum d'un siècle de processus. Ce n'est pas une révolution, c'est une modification insensible de la société. Et d'ailleurs, à cette révolution, à ce changement, un nouveau système a été mis en place pour désigner le chef, une sorte de compétition. Où sont les hommes qui s'affronteront à Orongo au printemps ? et qui braveront les requins jusqu'à Motunui pour rapporter l'œuf de Manutara. Car le vainqueur désignera le prochain homme oiseau qui règnera sur les clans. Que les champions se fassent connaître. Kaumea, Momokoi, clan Marama. Onatea, pour Atahanga, clan Haumoana. Cette organisation, cette compétition qui permet de nommer l'homme-oiseau le chef pour un an de l'île montre bien que c'est organisé. On ne s'entretue pas pour prendre le pouvoir sur cette île. Au contraire, on a mis en place un système qui permet d'avoir un chef qui change chaque année. Nicolas Cove. Oui, alors certains ont pensé que ça pouvait être une première tentative démocratique. Je suis pas sûr que c'est tout à fait cela. Les sociétés politisées sont extrêmement hiérarchisées. Il fallait quand même d'une certaine naissance pour pouvoir participer à ce genre de choses. Mais ce qui est très clair, c'est qu'en ayant une sorte de concours pour désigner une autorité annuelle, ça permet en tout cas de casser la force des lignages. Ça, c'est extrêmement important. Alors pourquoi l'homme-oiseau? Pourquoi est-ce que c'est lié à la recherche d'un œuf sur un petit îlot? Mais simplement, les dieux polynésiens ne sont pas tout le temps là au-dessus de l'ensemble de la planète à observer les humains. Ils sont dans un ailleurs. Les Polynésiens ont le voyage dans leur mythologie. Et les oiseaux migrateurs sont les messagers des dieux. Et donc chaque année, les oiseaux migrateurs revenaient à l'île de Pâques pour nous rendre. Donc ce concours était lié au message qu'on pouvait tirer des dieux. Et donc c'est une nouvelle manière de centraliser, si vous voulez, l'organisation sociale et politique de l'île. Le rôle exact de l'oiseau, on l'a perdu avec le temps, etc. Mais il y a clairement un changement de stratégie très net. En tout cas, on le voit jusqu'à relativement récemment, tout était très bien organisé, hiérarchisé. Pourtant, la population Rapa Nui a bien été décimée. Que lui est-il réellement arrivé? Vous allez nous dire dans un instant le scénario que vous et beaucoup d'autres archéologues défendent aujourd'hui au sujet de l'effondrement des Rapa Nui. Et puis en fin d'émission, vous répondrez aux questions que les auditeurs vous ont adressées sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Ben Harper et Charlie Musselwhite qui chantaient Found the One sur France Inter. C'est un pays à moitié fantastique. Une terre de rêves. Les statues, il y en a de deux sortes. D'abord celles qui sont renversées et brisées. Et puis les autres, effrayantes, d'une époque et d'un visage différent, qui se tiennent encore debout là-bas, sur l'autre versant de l'île, au fond d'une solitude où plus personne ne va. Un texte écrit par l'explorateur Pierre Loti, lui aussi tombé sous le charme de l'île de Pâques. Il débarque en 1872 sur cette île. Quand il y débarque, il y a encore des Rapa Nui. Il va pouvoir notamment voir comment sont construits leurs habitats. À ce moment-là, l'île est encore habité de Rapa Nui. On est là au tout début de la christianisation de l'île de Pâques. Il est sans doute le dernier témoin à voir encore des petits morceaux de vie traditionnelle sur l'île de Pâques. Après lui, c'est terminé, on ne verra plus cela. Ouais. Ces populations vont être déplacées, le contexte culturel va être modifié par la découverte de cette île par les Européens. Alors, Nicolas Cove, il est temps de donner la version des archéologues aujourd'hui. Pourquoi les Rapa Nui ont été décimés? Pourquoi cette civilisation qui semblait si puissante s'est-elle effondrée? Ce n'est pas parce qu'ils ont enlevé tous les arbres de leur île. Quelle est la vraie raison de cet effondrement? Mais la vraie raison, elle est malheureusement assez traditionnelle, c'est la rencontre avec l'extérieur. Lorsque le monde extérieur a découvert cette île, le monde non polynésien découvre cette île, on va d'abord apporter des maladies pour lesquelles ces gens n'ont pas d'immunité. Il y aura des exactions. Il y aura des raids esclavagistes, on va les puiser dans la population, l'île de Pâques, pour amener du personnel à bon marché sur le continent américain. Il faut bien se rendre compte, les explorateurs, les occidentaux qui débarquent ont des armes à feu. Ils ont des armes à feu, c'est un tout autre monde. Donc, il s'est passé ce qui se passe dans beaucoup de régions. Regardez ce qui s'est passé avec les Indiens en Amérique du Nord, regardez ce qui s'est passé avec beaucoup d'Indiens en Amérique du Sud, et ainsi de suite. Regardez ce qui s'est passé un peu partout. Les rencontres de ce genre-là, même s'il y a des bonnes intentions derrière, sont rarement des choses dans lesquelles on sort indemne. Et puis, il y a la rencontre culturelle. Alors, à l'île de Pâques, eh bien, à un moment donné, à la fin du 19e siècle, il reste une centaine de personnes. Dieu merci, il y avait aussi une diaspora, des gens qui ont réussi à fuir cette île de Pâques, aidés d'ailleurs par certains missionnaires pour aller se réfugier à Tahiti ou bien dans les îles Gambier. Mais donc, le vrai désastre de l'île de Pâques, c'est l'histoire de la deuxième moitié du 19e siècle, qui a été une période absolument noire pour ces habitants de cette île. Mais c'est des événements dont ils ne sont pas coupables. Ouais. Il existe d'ailleurs un film du début du 20e siècle où l'on voit des images assez épouvantables d'hommes et de femmes rongés par la lèpre, des sortes de survivants, de derniers descendants des Rapa Nui, et dont on voit qu'ils sont très mal en point et qu'ils sont malades avec des maladies qui sont venues des Occidentaux. Bien sûr, la lèpre n'est pas originaire de Polynésie. Donc les choses ont été extrêmement difficiles à l'île de Pâques jusque dans les années 50 du 20e siècle. Mmh. C'est fort récent. Voilà. On a voulu faire de l'île de Pâques le symbole de ce qui nous arrive à nous, humanité, aujourd'hui, cette surexploitation des ressources qui pourrait nous conduire à notre perte. En réalité, ça n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, et même, imaginons même que ça aurait pu être vrai, puiser dans l'histoire des leçons de morale pour les temps contemporains, nous ne faisons pas subir à la planète ce que ces gens ont fait à leur milieu, nous ne sommes pas dans le même contexte culturel, nous n'avons pas les mêmes nécessités. À l'époque, ils vivent de façon traditionnelle d'agriculture, aujourd'hui, nous avons des besoins d'une toute autre nature. Nous avons le sens de la propriété privée, ainsi de suite, d'État-nation. Donc nous sommes de toute façon pas du tout dans le même contexte, ni à la même échelle. Et donc la leçon était en elle-même dérisoire. Mais en plus, à l'île de Pâques, ils n'ont pas détruit leur environnement. Ils ont subi des modifications et ils s'y sont adaptés. Qu'on se le dise, parce que même sur le site de l'UNESCO, on le regardait en préparant l'émission, on dit encore que ce sont qu'ils ont détruit leur environnement et qu'ils en sont morts. Les Rapa Nui ne se sont pas autodétruits, ce sont les Occidentaux qui les ont décimés. Voilà. Et ils existent toujours, puisque les survivants de ces désastres dus à la rencontre, ils sont là, ils ont reconstruit leur société. Aujourd'hui, il y a quand même 7000 habitants sur cette île, et beaucoup de petits Rapa Nui. On va avoir l'occasion d'en parler dans la fin de cette émission. Vous allez pouvoir aussi répondre aux questions des auditeurs dans la dernière partie de l'émission. Et puisque le peuple Rapa Nui vouait un culte, certains, aux oiseaux, avec, on l'a compris, l'importance dans la culture, ce grand chef que l'on appelait l'homme-oiseau, nous allons faire un petit détour culture par le monde des oiseaux avec Hugo Struna. Bonjour Hugo. Bonjour Daniel. Vous êtes journaliste à Viginature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, dont nous sommes partenaires. Et comme toutes les semaines, vous nous plongez dans les sons de nature qu'étudient les scientifiques du Muséum. Aujourd'hui, vous nous proposez donc un tour d'Europe linguistique avec les oiseaux. Cet oiseau que vous entendez là est un bruant ortolan, un petit passereau des campagnes aux faux airs de moineaux, un grand chanteur, l'ortolan, malheureusement moins connu pour ses talents d'artiste que pour sa chair, très réputée comme vous le savez sûrement. Il y a peu on le mangeait encore, hein, tout cru, tête et os compris, après l'avoir gavé dans l'Armagnac. Mais ne vous inquiétez pas Daniel, je ferme la parenthèse culinaire. Oui, alors qu'est-ce que ce chant que l'on entend a de particulier finalement ? Ce bruant ortolan est espagnol, il a été enregistré en Catalogne. Oui, et alors, me diriez-vous? Eh bien, même si vous ne l'entendez pas, El Escribano Hortelano, comme on dit chez nos amis ibériques, chante en espagnol. C'est-à-dire? Je vous donne un exemple, retenez bien ce tu-tu-tu-tu-ti-tu espagnol. Ouais. Voici le chant de la même espèce, exactement la même espèce, à quelques centaines de kilomètres de l'autre côté des Pyrénées, à Nîmes, écoutez bien. Tui tui tui tui tu, assez différent, comme vous l'entendez, du tui tui tui tui tui tu espagnol. Poursuivons notre voyage, traversons maintenant les Alpes cette fois et écoutons le zigolo ortolano italien. Ah oui, c'est nettement différent. Voilà, tu tu tu ti ou encore un son extrêmement différent. Qu'est-ce qui explique ces différences, des sortes de dialectes d'oiseaux là ? Eh bien, aussi saugrenu que cela puisse paraître, nous avons entendu trois langues différentes de bruant ortolan ou dialecte ou encore patois, comme vous voulez. Mieux, espagnol, français ou italien, ces trois mâles qui se ressemblent pourtant comme deux gouttes d'eau ne se comprennent absolument pas. Et alors, si on les envoie en Pologne rencontrer le Nzandel ortolan, ils seraient absolument paumés. Vous avez cette fois, comme vous l'entendez, un joli trémolo final dans la voix. Tu, tu, tu, tu, trrr. Ouais, alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon préféré, le polonais. C'est vrai que c'est plus travaillé, l'ortolan polonais. Mais alors, vous nous dites qu'ils ne se comprennent pas. Comment on le sait, ça, Hugo ? En général, pour les étudier, les scientifiques doivent capturer les bruants dans la nature. Et pour cela, ils diffusent des chants préenregistrés de la même espèce avec un micro, ce qui va attirer les oiseaux dans un filet. Mais alors, faut-il encore choisir la bonne langue ? Et voilà. Il y a peu, Frédéric Giguet, qui m'a transmis tous ces sons, faisait une capture en Russie en diffusant des chants français. Résultat, aucun oiseau ne s'est approché. Lui et ses collègues ont dû se procurer des chants russes pour ne pas rentrer bredouille. Alors en parlant de bredouille, les chasseurs de bruants connaissent-ils ces dialectes ? Pour la chasse, c'est un peu le même procédé. On utilise un appelant, un oiseau captif dans une cage pour attirer les congénères. Avant que cette pratique ne soit interdite, on tolérait 5 appelants différents par chasseur, ce qui les énervait beaucoup car ils avaient identifié eux 7 dialectes dans les Landes, le lieu de passage de migration des ortolans de toute l'Europe de l'Ouest et du Nord. Évidemment, 7 appelants ça aurait été bien plus efficace. Bon, heureusement, la chasse est dorénavant interdite. Hein. C'est depuis l'année dernière que c'est interdit. C'est très récent. Il y a beaucoup de dialectes de bruants ortolans. On ne sait pas très bien. Il y en a une dizaine, peut-être, selon Frédéric Giguet. D'autant qu'on retrouve la même espèce, exactement la même espèce de bruants ortolans, de l'Espagne jusqu'à la Mongolie, en passant par la Turquie et la Grèce. Alors, est-ce que ces dialectes, comme certains dialectes chez les hommes, sont menacés, Hugo ? Alors, probablement. Par exemple, ce dialecte so British de bruant jaune qu'on entend là, une autre espèce de bruant, a disparu il y a 150 ans en Angleterre. Or, on vient de le retrouver, devinez où ? En Nouvelle-Zélande, la langue a survécu donc à l'autre bout du monde. Ça a défrayé la chronique chez les ornithologues. Alors comment se fait-il que ce dialecte ait survécu aux antipodes ? C'est entre les années 1860 et 1870 que plus de 600 bruants jaunes vivants ont été expédiés de Londres vers la Nouvelle-Zélande, alors colonie britannique. Une introduction qui visait à se débarrasser du flot d'insectes qui ravageait les cultures. Depuis, ces oiseaux pullulent dans l'île des Kiwis, contrairement à l'Angleterre où il a fortement régressé ces dernières années, à cause de l'agriculture intensive notamment, et des brassages de population. C'est ce que subissent un peu nos langues régionales à nous. Oui, on pense que les dialectes de bruants naissent aussi de la même façon. Les populations vivent et évoluent dans des zones relativement isolées, et même si elles migrent, elles reviennent toujours au même endroit. Le petit, à la naissance, ne connaît pas la langue. C'est son père qui lui transmettra, et ce, de génération en génération. Ouais, et tous les oiseaux, autres donc que les bruants ortolans, tous les oiseaux possèdent des dialectes ou c'est une spécificité ? Beaucoup en possèdent, surtout les oiseaux chanteurs, chanteurs comme les Pinsons, les Bruants ou le Rossignol. Tout le contraire du coq, par exemple, qui lui coquiriquera. C'est comme ça qu'on dit. J'ai appris ça, oui. Vous l'avez inventé, Hugo. Non, ça existe vraiment. Ouais. Et il coquoriquera toujours, d'ailleurs, de la même façon qu'il écoute ses congénères, les pieds dans le fumier d'une ferme à Barcelone, Nîmes, Rome ou même Varsovie. Merci Hugo Struna et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sonores. Nicolas Cove, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux différentes sur l'île de Pâques ? Non, pas beaucoup, mais il y a 5-6 espèces d'oiseaux migrateurs qui viennent au printemps à l'île de Pâques. Mais il y a au moins ces sternes dont plus, on parlait. Plus les introductions contemporaines, mais là c'est autre chose. Et là, pour la petite histoire, je pense que les tourterelles de l'île de Pâques ou d'Ouzbékistan où j'étais me promener ne chantent pas de la même façon que celles d'ici. Ah, c'est probable. Ah, il faudra les enregistrer et puis passer les enregistrements à Hugo. On regardera tout ça. Merci à vous, Hugo, à la semaine prochaine. Nous allons voir aujourd'hui à quoi ressemble l'île de Pâques et comment se portent les survivants Rapa Nui, puisqu'il y en a. Ce peuple n'a pas complètement disparu. Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapulco. Tous les deux sous le même kimono. Un peu plus de minutes avant l'avion. D'où tu verras les lignes et les rayons. Sur le sable, tu sécheras tes larmes dans l'air climatisé. Ultime bain, noie ton chagrin. Je ne suis pas loin. En vrai, je te rejoins. Je vais t'aimer l'éternité. Un peu plus de minutes avant l'après. Au matin, j'ai le visage griffé. T'as zoomé dans mes plaies une fois encore. C'est la vallée de la mort. C'était Brutalisme, Flavien Berger sur France Inter, le temps d'un bivouac. Ces chants les plus anciens sont demeurés plus purs qu'en Polynésie du fait du long isolement de l'île à l'abri de toute influence étrangère. Ils n'ont été conservés que grâce aux efforts de quelques savants et amateurs passionnés. Le docteur Raymond Campbell, par exemple, médecin de l'île, qui fait entendre ses enregistrements au commandant Cousteau. Le docteur Campbell a été très surpris lorsqu'il a enregistré ce chant ici pour la première fois. Il n'avait jamais rien entendu de semblable dans aucune des îles du Pacifique. L'analyse scientifique de cette musique, dit-il, montre qu'elle est fortement influencée par la musique des Indes, tandis que les paroles sont inspirées par de vieux poèmes chinois. La voix de Jacques-Yves Cousteau dans le testament de l'île de Pâques, et je vois notre invité Nicolas Cauve dodeliner. C'est pas tout à fait exact, les paroles de la chanson ne viennent pas d'Inde et de Chine. Non, ni d'Inde et de Chine, si ce n'est qu'il y a clairement aujourd'hui des influences tout azimuts, comme tous les musiciens du monde, ceux de l'île de Pâques voyagent et puisent consciemment dans tout un répertoire, et qu'en Polynésie française, par exemple, depuis très longtemps, des populations chinoises qui s'y sont installées, mais c'est pas d'aujourd'hui. Ouais. Donc oui, il y a des brassages culturels, forcément, mais ça ne fait pas l'histoire, ça c'est l'état de la situation aujourd'hui, mais il faut qu'on suit l'histoire un peu autrement. Alors, ces chants, tout de même, de l'île de Pâques sont arrivés jusqu'à nous avec ces transformations et ces influences, hein, comme vous le dites. Qu'est-ce qui nous reste de la culture Rapa Nui? Qu'est-ce qui est, malgré ce, on est dans un quasi-génocide, hein, faut pas se tromper quand même, parce que on l'a dit, on a longtemps un peu culpabilisé cette population, c'est toujours malheur aux vaincus, ils avaient disparu, ils étaient responsables de ce qui leur était arrivé, ils avaient pas su gérer les ressources de leur île. On se rend compte aujourd'hui que ce sont les Occidentaux qui les ont décimés. Qu'est-ce qui reste de leur culture? Bon, il y a eu des survivants, quelques-uns à l'île de Pâques, et une diaspora qui s'est dispersée en Polynésie française, dont une partie de cette diaspora est revenue sur l'île de Pâques, il y a déjà maintenant un petit demi-siècle. Et donc c'est sur cette base-là que la société actuelle s'est reconstruit un discours culturel qui lui est profondément original, qui est enraciné évidemment dans une partie du passé, mais qui est aussi le résultat de cette reconstruction relativement récente, dans lequel les influences de la Polynésie française actuelle sont relativement fortes. Mmh. Mais ça forme quand même une société originale qui a sa propre langue. On parle toujours Rapa Nui à l'île de Pâques, hein, ouais. C'est tout à fait exceptionnel, même si cette langue est évoluée, hein, c'est une langue moderne, c'est sans doute pas exactement celle que parlaient les Rapa Nui d'avant le contact. Ils ont évolué comme toutes les populations sur Terre. Mais je vous garantis qu'à l'époque de Louis XIV, à Versailles, on ne devait pas parler tout à fait comme on parle aujourd'hui. Exactement. Marie, sur la boîte de l'émission, vous demande, sait-on si les Rapa Nui avaient une forme d'écriture? Alors, on l'a longtemps prétendu, parce qu'il y a une série d'objets tout à fait étonnants, qu'on appelle les bâtons parlants, les Koao Rongo Rongo, qui sont des bâtons, des plaques de bois remplies de signes, qui manifestement ont un sens et une organisation. Il y a toutes sortes de tentatives qui ont été faites de déchiffrer les mystères de l'île de Pâques cachés là à l'intérieur. Ouais. En fait, il est très clair que ces signes ont une valeur très forte et ont un sens et une organisation, mais c'est très clairement pas non plus une écriture au sens où nous l'entendons, nous. Ouais. C'est-à-dire c'est un système codé qui permet de donner une puissance extrêmement importante à ces objets et qui donc permet au conteur d'affirmer que tout ce qu'il donne oralement a une vérité, puisque c'est symboliquement contenu là-dedans, mais ça ne permet pas de transcrire une anecdote, une histoire telle que nous le faisons avec nos écritures. Aurélien vous demande pourquoi ne replante-t-on pas les arbres de l'île de Pâques? La forêt ne se réinstalle-t-elle pas naturellement? Alors il y a deux choses là-dedans. Un, on réimplante des arbres à l'île de Pâques. Aujourd'hui, il est devenu très compliqué de faire une photo de l'île de Pâques sans qu'il y ait au moins un arbre dans le chemin. Oui. Mais c'est une steppe. Mais en attendant, maintenant, ça fait plus de 2 siècles et demi que cette steppe s'est implantée. C'est un nouveau biotope. Replanter l'entièreté de l'île de Pâques, c'est redétruire un environnement. Aujourd'hui, l'île de Pâques est d'adapter un nouvel environnement. Que voulez-vous? Voilà, c'est ça. Hein, voilà. La nature a repris ses droits et maintenant, la nature de l'île de Pâques, c'est cette île plus pelée. C'est une steppe. Aujourd'hui, c'est une steppe. Eric, sur Facebook, vous dit, certains pensent que l'île de Pâques était habitée lorsque les Polynésiens l'ont découverte par des descendants Olmèques, peuple précolombien. Est-ce possible? Alors, d'un point de vue chronologique, c'est impossible. C'est un peu plus récent que les premiers habitants de l'île de Pâques. Ah oui. Deuxièmement, les Amérindiens n'ont aucune connaissance maritime telle que les Polynésiens ont pu les développer. Donc, c'est des gens qui ont fait du cabotage ou pareil, mais qui étaient incapables de traverser les océans. Ils n'auraient pas fait les 8000 kilomètres qui les séparent de l'île de Pâques. Non. Et enfin, lorsqu'on étudie les restes humains trouvés sur cette île, à travers les fouilles archéologiques, on n'a vraiment qu'un seul peuplement à l'île de Pâques. Donc ça fait au moins 3 éléments pour dire non, ça ne fonctionne pas. Ouais. Aujourd'hui, la menace, s'il y en a une qui pèse sur l'île de Pâques, c'est le tourisme? Je ne dirais pas ça, parce que c'est le moteur économique, c'est assez bien géré, d'autant plus que la population aujourd'hui est de plus en plus autonome dans cette gestion-là et se défend assez bien, et en vit. La menace est peut-être plutôt comme chez nous, l'environnement, l'épuration des eaux, la gestion des déchets, des choses pareilles. Oui. Comme partout ailleurs, comme partout, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Cove. Je rappelle que 3 expositions consacrées à l'île de Pâques se tiennent actuellement en parallèle au musée Champollion de Figeac, au musée Fenaille de Rodez et au Muséum de Toulouse. Vous avez participé à la réalisation de l'exposition du Muséum de Toulouse. On va mettre tout ça en lien sur la page de l'émission et je signale aussi le catalogue de ces 3 expositions, l'île de Pâques, paru chez Actes Sud. Je vous présente l'invité de la deuxième heure. Bonjour Nicolas Gilsoul. Bonjour. Vous êtes architecte paysagiste. Vous venez de publier avec Éric Orsenna « Désir de ville » chez Robert Laffont et vous allez nous emmener à la découverte des plus grandes villes du monde, des villes dans lesquelles l'humanité semble de plus en plus pressée de s'agglutiner. Des villes qui se réinventent et qui innovent aussi, voyagent au cœur des mégapoles du monde, de leur évolution dans un instant. Et puis aussi, on ira faire un tour dans les villes françaises. À tout de suite.